Minuit passé, je suis dépassé, les keufs font leur tourner, les minots dorment et je reste hypnotisé. À ma bruitière devant des chaînes télé, quand je sens la merde, je suis pas déçu de savoir que la haine est inodore. Je suis devenu insomniaque à force d'attendre que le sommeil vienne m'aider. Deux heures plus tard, on a pné, je me noie dans un monde dark. Mais Ada, t'es où, je t'arrête à croire que mon quartier a de l'acné. Ici, les putes s'entassent, tout comme des keufs en planque dans un camtar. Nager entre les blattes et les termites, ça me fout le cafard. Je sais pas quoi faire sans somnifère, les yeux m'effèrent, on donne misère. Mais faut s'y faire quand on sniffère de cet hémisphère. Moi, je vois le visphère, tout le monde s'y perd après s'hiver. On se fait la guerre, j'apprécie guère de voir que mes potes ne peuvent trouver le sommeil que sur des civières. Si je verse le triste dans mes vers, c'est que ma ville inverse ce que je vise dans mes veines. Je saigne et crise de devoir que tout brise pour du pèse. Évite la haine car elle est vite acquise sous l'emprise de la cesse pendant que les minots dorment. On vit le jour la nuit, je vis plus au jour le jour car dans cette rue c'était à mon esprit. Ceux qui ouvrent leur bouche au fil du temps deviennent très sages en secret. Ceux qui squattent la télé aux heures tardives deviennent très chasse, très pêche. Tu vois l'époque, vas-y parle pas d'avenir. D'abord tu fais le mur et à la fin tu finis par les tenir. Je sais que les cours ça te saoule, je donne pas de leçons, juste des conseils. Car je pense à toi quand je vois mes cahiers de cours cachés sous une couche de poussière. Les nuits blanches s'accumulent car mon sommeil devient pour moi une phobie. Le soir j'entends le son du verre qui se casse et des instants de folie. J'enfile ma veste, oublie ma garrette dans mon standard. J'oublie pas mes papiers car sur le 17 y'a du monde au standard. Minuit passé pour les dealers, c'est l'heure de la paye. Dans ce monde y'a qu'au Monopoly. Que t'imagines résider rue de la paix sur l'île de France. La jeunesse rame, les keufs capitulent comme Paris pour la France. Le rap pour moi est devenu capital, ça se décapite, ça perd la tête. Ça dégarpille, ça me fait de la peine. Fais pas péter le champagne, niveau souci, la coupe est pleine. Eh ouais, tout le monde se plaint, Paris 18 ça porte plainte. J'rappe mes complaintes avec la haine, il faut qu'on perce, mais toutes les portes se blindent. Des comptes en banque anorexiques, on veut le jackpot. À fond sur la traîtrise des mailles, un Judas sur chaque porte. J'arpente les rues de Paris, histoire de faire le vide. Et même si je rentre chez moi, les yeux bandés, les sirènes servent de guide. Routine by night pendant que les minots dorment. PPN, MSD, on n'oublie rien. Guy Moquet, Porte-Saint-Ouen, Jules Geoffrin. On n'oublie rien. 15 piges plus tard, la belle époque. Gravé à jamais, dans votre cas.